cours numéro 9. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد انتهينا ولله الحمد dans notre dernier درس في هذه الرسالة النفيسة الزواج أي أحكام الزواج للشيخ بن عثيمين les règles du mariage. Dans le dernier chapitre, on a étudié ensemble un chapitre très important, fi al-muharramat min an-nisa, ay les femmes que l'homme il a pas le droit d'épouser, imma temporairement, imma toujours. Wa alhamdulillah, on a cité kalam Cheikh Ibn Uthaymeen et on a rajouté kalam ba'd ahl al-'ilm et la révision. On avait conseillé, si vous pouvez récapituler hada dans sous forme de tableau ou avec un kalam très très simple. Hada, inshallah, si vous l'avez fait, on le verra ensemble. Samedi, on a plus de temps. Amma al-yawm al-waqt li dhayyiq fa naqra. Qala al-fasl as-sadis fi al-'adad al-mubah fi an-nikah. Ay, avec combien de femmes l'homme il a le droit de se marier? Après avoir cité les femmes qu'on n'a pas le droit d'épouser, enfin, dans ce chapitre, il va citer le nombre. Et vu que c'est permis pour l'homme de se marier avec une femme tant qu'elle ne fait pas partie des muharramat qu'on a cité ensemble dans le chapitre précédent, فَكَمْ الْعَدَدْ, avec combien de femmes il a le droit de se marier? Et dans une même durée. Amma s'il est marié avec une femme, thumma il a divorcé, thumma sa deuxième femme elle est décédée, thumma une troisième, matalan il a divorcé, wa hakada, hada yajouz. C'est pas limité. Lakin, il est marié avec une femme, thumma une deuxième, thumma une troisième, thumma une quatrième, et avec un aqd shar'i, dans un même temps, combien il a le droit? Ala shak, et c'est ma'loum ind al-jami, an al-muslim, il a pas le droit de dépasser quatre. Il a le droit de se marier avec quatre femmes et il n'a pas le droit de dépasser. Si il se sépare d'une de ses femmes, il est marié avec quatre femmes, thumma, une de ses épouses, elle décède, ou il divorce avec l'une d'entre elles, il va se retrouver qu'avec trois femmes, il y a juste là, qui se remarie avec une quatrième. C'est sur le fait d'avoir ces femmes en même temps, dans la même durée, la même période. قال رحمه الله لما كان إطلاق العنان للشخص في تزوج ما شاء من العدد أمرا يؤدي إلى الفوضى والظلم وعدم القدرة على القيام بحقوق الزوجات وكان حصر الرجل على زوجة واحدة قد يفضي إلى الشر وقضاء الشهوة بطريقة أخرى محرمة أباح الشارع للناس التعدد إلى أربع فقط. Il a cité deux cas, رحمه الله. أي قوله لما كان إطلاق العنان إلى آخره. أي si ce nombre il serait pas limité, ça aurait poussé certains hommes à se marier avec beaucoup de femmes. Et là, chacun a, au bout d'un certain nombre, l'homme ne peut plus être juste. Là, chacun sera injuste dans certains points. Là, chacun aura un manque de capacité dans certaines choses. Et ça aurait poussé à du mal. فَلِهَذَا notre din, on a des preuves qui limitent un certain nombre. وَتَعْلَمُونَ أَنَّ فِي الْأُمَمْ السَّابِقَ إِيْخْ نَعَمْ أي ceux qui n'étaient pas musulmans, tu trouves Wa'd al-Aqwam, ils se mariaient probablement avec des dizaines, des centaines, et كانوا يحصل ظلم كبير لهؤلاء النساء. Et ça nous montre rahmatu hada ad-din. Anna pour ne pas être injuste, l'homme il n'a pas le droit de dépasser un certain nombre. Hada min jiha. كذلك قال رحمه الله وكان حصر الرجل على زوجة واحدة قد يفضي إلى الشر كذلك le fait de limiter l'homme qu'à une femme dans certains cas, ça peut pousser à un mal. L'imam Ali, elle a cet homme peut-être qu'il a des envies, et une femme, ça ne lui suffit pas, et peut-être qu'il va pencher vers le haram s'il n'a qu'une femme. Fafi halihi yushra lah de se marier avec une deuxième, avec une troisième, avec une quatrième. Ça dépend du besoin, de l'envie, des capacités. Il a akhri. Al-Muhim, Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité les deux extrêmes. Et pourquoi c'est limité à quatre? فقال شيخ ابن عثيمين رحمه الله أباح الشارع أي في القرآن وفي السنة للناس التعدد إلى أربع فقط فالماكسيموم سي 4 لأنه العدد الذي يتمكن به الرجل من تحقيق العدل au-dessus de 4 ça sera très très difficile d'être juste أما 4 et من باب أولى 3 2 ou 1 فلا شك un rajul, il peut. Ça ne veut pas dire qu'il sera juste là. Lakin, dans ce cas, s'il n'est pas juste, la faute, c'est lui. Amma, la possibilité, la capacité, n'am. Qala, لأنه العدد الذي يتمكن به الرجل من تحقيق العدل والقيام بحق الزوجية ويسد حاجته إن احتاج إلى أكثر من واحدة. Donc, si il a besoin de plus d'une femme, فيجوز له. Et c'est limité à 4, il y en a au-delà de 4 et plus de 4, فَرُبَّمَا يَحْصُ الظُّلْمُ وَعَدَمْ قُدْرَ de l'injustice, de l'incapacité, et ça fera du mal à ces femmes et à cet homme. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَ حُكْمُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَتَقَدَّمْ مَعَنَا بِي كتاب التوحيد أن حكم الله عز وجل الأصلح الأنفع فالمؤمن لا pas le droit de rejeter هذا الحكم celui qui rejette la polygamie مع أنه il sait أن الله سبحانه وتعالى أباح للرجل أن يتزوج بمرأتين أو ثلاث أو أربع il rejette عيدا بالله alors qu'il sait أما الجاهل c'est autre chose. Amma huwa il sait, lakin il déteste hadha al-hukm et il le rejette, que ce soit un homme ou une femme. Et il prétend que c'est de la barbarie, il a akhri, fa hadha c'est du kufr billah azza wa jal. Limadha li anna le verset il est wadih. Fankihu ma taba lakum min an-nisa. Et mariez-vous avec les femmes que vous désirez. Bien sûr, tant dans le halal, avec des conditions, tout ce qu'on a vu dans cette risala wa lillahi alhamd est beaucoup de preuves dans le Coran ou le Sunna. Maintenant, wa thulath wa ruba. Deux, trois ou quatre. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité jusqu'au maximum. Wa ruba, avec quatre. Fa in khiftum an la ta'dilu, et si vous craignez de ne pas être juste, ça arrive, ba'du ar-rijal, ils savent eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas. Ma'a wahida, et il a du mal, rubbama. Fa il sait que s'il rajoute une deuxième, une troisième, il ne pourra pas. Imma, il n'a pas la capacité physique, Emma il n'a pas la capacité financière, et il ne peut pas avoir un logement pour ses quatre femmes ou pour deux femmes, il a que pour une. Fahada, il reste marié avec une, hatta il ne commet pas d'injustice. Lakin, celui qui a le qudra, falimada lui interdire. Et tu trouves, wa'adunnaz, iyadun billah, ils se font beaucoup de mal, annahum, ils ne sont pas polygames. Et l'akhira, ce n'est pas une obligation. Celui qui n'a pas envie de se marier avec deux femmes, trois femmes, fasha'nu. لكن المصيبة أنهم يصفون du mal avec leur langue فيطعنون في الذين يتزوجون بأكثر من واحدة et كما تقدم c'est du كفر بالله عز وجل كما أبان غير واحد من العلماء شيخ بن باز رحمه الله هنا un كلام جميل في هذا et démontre la gravité que c'est du كفر لماذا لأنه طعن في رب العالمين qui c'est qui a instauré cette loi من C'est Allah subhanahu wa ta'ala. On a le verset sous les yeux, min surat al-Nisa. Et tous les musulmans, ils le lisent ou ils l'écoutent. Si tu prends l'exemple de fi salat tarawih, il est récité, fi salawat, dans les masahif, chaque musulman, il a un mushaf chez lui. Et ce verset, il est cité, falimada al-ta'n. Ça vient, fil haqiqa, al-ta'athur bi a'da illahi azza wa jal. Fil haqiqa, la femme qui n'accepte pas hada, li annaha li mariée, elle ne doit pas rejeter le hukm et tat'an ila akhri, لانه c'est du kufr. Ça fait sortir de l'islam, iyadun billah. Amma que elle aime pas cette chose min hayth anna, elle veut pas de co-épouse et ça lui fait du mal, elle est triste ila akhri, enfin ça c'est quelque chose de normal. Lakin elle ne doit pas dépasser les limites. Hadha c'est fi al-mar'a. Amma ar-rajul Allah subhanahu wa ta'ala abaha lahu dhalik, fa pourquoi critiquer? Iyadun billah. Celui qui ne veut pas ou qui ne peut pas, enfin beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire et on n'est pas obligé de critiquer. Iyadun billah. Ça nous montre que ceux qui critiquent, que ce soit min al-rijal ou min al-nisa, c'est ta'athrun bi al-gharb al-kafir. Et ha'oula al-kuffar, ta'alamoun, ils détestent din al-islam. Et parmi les choses qu'ils détestent, c'est le hijab pour la femme, la polygamie et beaucoup d'autres points. La polygamie, il la déteste l'imam, ça fait partie de notre dîme. Ils connaissent ce genre de verset. Ils savent très bien que la polygamie, c'est cité dans le Coran. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était polygame. Est-ce que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il va faire quelque chose de mauvais, iyadun billah? Ben, ceux qui n'acceptent pas la polygamie, wallahi, kathir minhum. Et on parle de ceux qui sont musulmans, ou qui se disent musulmans, ou qui prétendent être musulmans, kathir minhum, leurs parents et leurs grands-parents, ils étaient polygames. Dans leur pays, c'était la base. Lakin lamma ta'atharu bi a'da'illah, ils sont devenus contre. Et on revient au kuffar, an a'da'ullah, ils n'ont pas de limite, hum. Ils ont autorisé l'homosexualité. Et tu trouves l'un, ba'dhul muslimin ta'atharu, et ils parlent de liberté, de respect, de tolérance. Falimada, ne pas respecter hadha ar-rajul qui est polygame. Limada, et ne pas être tolérant. Mais anna c'est du din, on doit l'accepter, ou l'istislam, ou l'inqiyad, lakin ala qawlihim al-batil. Et kadalik ha'oula, vu que ar-rajul, il a des besoins. Ou sayati kalam shur ibn Uthaymeen, anna l'homme il a des besoins, sa femme ahyanan elle tombe malade, sa femme elle tombe enceinte, wa hakada, il a des besoins, et ahyanan une femme ça lui suffit pas, khasatan fi bilad al-fitan, annahu il sort et voit certaines choses, il a besoin d'une seconde femme, et c'est min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, tant que c'est dans le halal. Fahum yat'anun fi hada ar-rajul an-nazih al-afif, qui veut du bien et qui veut se préserver, et probablement wahid min al-kafara qui est marié et qui trompe sa femme avec wahida ou deux ou trois ou quatre ou akthar, probablement yamdahuna pour eux c'est un rajul qui a du succès ila akhri, ayyadan billah, alors qu'il est fil ma'siya. Et le muslim fil haqiqa huwa ila deux, trois, quatre épouses, et ça avec un contrat de mariage, et il a des responsabilités, et il fait tout pour être juste. Amma hadha, il trompe sa femme, et rubbama, cette femme avec qui il fait azina, iyadun billah, du jour au lendemain, il l'a délaissé, il va avoir une autre, zulmun ala zulm, et tu les trouves, haoula, al harb qu'ils font contre la polygamie, il n'y a aucune comparaison. Amma zina, indahum, tu es libre, ila akhir. Amma la polygamie, fa indahum, c'est haram. Pourquoi? Li'annahu, c'est min dinillah. Il ne faut pas chercher trop loin. Limada, li'anna, ce verset. Si la polygamie, elle n'aurait pas été citée, fil le Coran, et mathalan, on qaddar, la polygamie, ça aurait été haram dans notre din, wallahi, t'aurais trouvé les kuffar, annahum, ils auraient dit, les musulmans, ils sont pas justes. Ils sont pas tolérants. Pourquoi ils s'acharnent hakada contre l'homme? S'il veut se marier, il a akhiri. T'aurais vu? Min hada la kalam. Vu que l'islam, on a des textes clairs que c'est autorisé, fahum, ils sont contre. Ala kulli hal, tout ce qui est min al-islam, il faut qu'ils soient contre, iyadun billah. Avec leur excuse, la démocratie, la liberté, il a akhiri. Fa al-muslim la yaghtar bi hada. Et celui qui n'a pas la capacité, il ne se marie pas avec plusieurs femmes. Enfin, c'est sa vie. C'est pas haram, il a le droit. Lakin at-ta'n wa al-istihza wa al-bughd, détester, se moquer, être contre la polygamie, c'est khatir. Pourquoi c'est khatir? Pourquoi c'est très très grave? Bien, la polygamie, ça fait partie de notre dîme. Allah qala fankihu amrun, c'est un ordre. C'est pas un ordre, les wujoub, c'est pas obligatoire. Lakin, ça montre que c'est permis. Et celui qui se marie avec plusieurs femmes, et sa niya, c'est de suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir beaucoup d'enfants, pour augmenter la communauté, il est ma'djour. C'est pour ça que celui qui a une bonne niya, c'est une ibad. Et Allah, il aime l'ibad. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a autorisé la polygamie, c'est qu'il aime cette chose. Enfin, pourquoi détester ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime? Pour faire plaisir au kafara. Al kafara, il donne aucun respect à l'mar'a. Ils l'ont pris comme un objet. Fa'indahum, eux, plus l'insan, ils ne se marient pas, plus yafrahoun. Hatta, ils profitent de ces femmes va'ifat ila akhir. C'est pour ça qu'on le répète, ils combattent beaucoup de choses. Al-hijab et la polygamie. Limada li annahum, ils veulent saytara ala hadhihi al-mar'a al-miskina. قال الشيخ العثيمين رحمه الله وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم أسلم غيلان الثقفي وعنده 10 نساء أي نعم avant la venue du prophète صلى الله عليه وسلم العربي se marie avec plus de 4 فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن 4 ويفارق البواقي ceux qui étaient mariés avec plus de 4 femmes quand le verset il a été révélé au prophète صلى الله عليه وسلم أي هذا الحكم de ne pas se marier avec plus de 4 femmes. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ordonnait ceux qui étaient mariés avec plus de 4 femmes de en garder 4 et de divorcer les autres. Limada li anna, il n'a pas le droit plus de 4. Wa qala Qais ibn al-Harith aslamtu wa 'indi 8 niswa fa ataytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa dhakartu lahu dhalik fa qala ikhtar minhunna 4. Ay, choisissant 4. Parmi tes 8 femmes et les 4 autres, tu les divorces. قال رحمه الله وتعدد النساء إلى هذا الحد له فوائد منها. Il va citer les bienfaits de la polygamie. Et pourquoi se limiter à 4? قال أنه قد يكون ضروريا في بعض الأحيان مثل أن تكون الزوجة كبيرة السن أو مريضة. Dans certains cas, ça peut être nécessaire pour l'homme. ضروريا, un très très grand besoin. L'homme, il a des envies, des besoins, il a akhiré. Enfin, sa femme, il est marié qu'avec une femme, et elle est kabira, fissin. Elle a atteint un certain âge. Ou marida, ou elle est malade. Enfin, fi hadha al-hal, l'homme, il ne peut plus avoir des rapports avec hadhihi al-mar'a. Enfin, pourquoi l'empêcher? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala arham. Il lui a autorisé de se marier avec plus d'une, bien sûr, s'il a les capacités, la capacité, il a akhiré. Fa fi hadha al-hal, c'est tayyib pour l'homme. Qala, law iqtasara 'alayha, lam yakun lahu minha i'faf wa takun dhatu awlad minhu. Fa in amsakaha khafa 'ala nafsihi al-mashaqqa bi tark an-nikah aw rubbama yakhafu az-zina. Cette femme, peut-être qu'il a des enfants avec elle, lakin il ne peut plus avoir des rapports avec elle. Imma elle a atteint un certain âge, imma elle est malade. On garde l'exemple de la maladie, il est plus clair. Et il a des enfants avec cette femme. Donc, si il ne se marie pas avec une autre femme, il a peur de tomber dans zina. Il a khir, c'est un être humain. C'est à notre époque. Dans kathir min al-buldan, tabarruj, wa sufur, wa fitan, des femmes qui sont presque dénudées, il a khir, l'homme yakhsha ala nafsihi de tomber dans le fitna. Donc, dans ce cas-là, se marier avec une autre femme, c'est tayyib. كذلك قال وإن طلقها فرق بينها وبين أولادها. Vu qu'il a des enfants avec elle, la divorcée, il va être séparé de ses enfants, ou elle va être séparée des enfants. Ça montre que هذا الدين c'est une rahma. Vu qu'il veut garder cette femme, لأنها c'est sa femme et ses enfants. Enfin, la seule solution via Adelhal, c'est qu'il se marie avec une deuxième, elle a la capacité, il préserve son nefs, il préserve la première femme, il préserve ses enfants, ou alhamdulillah. Qala, fala tazoul hadhi al-mushkila illa bihal al-ta'addud. Et, kathirun min al-nisa, beaucoup de femmes, elles acceptent pas hadha, limada, dha'af al-iman, et kathalik, l'égoïsme. Et on vit à une époque, un kathir min al-nas, il pense qu'à eux. Sahih, cette femme, elle veut pas être une co-épouse. Elle veut que son mari soit que chez elle. Et si se marie avec une deuxième, thumma yal qisma. Il doit avoir un logement pour la deuxième, thumma partager. un jour chez la première, un jour chez la deuxième. Donc elle sait qu'elle aura moins de temps avec lui la akhirah. Lakin وهذا لا شك, c'est naturel. C'est pour ça que la femme qui est triste la akhirah, enfin, ça se comprend. Lakin que cette jalousie ou cet égoïsme dépasse les limites, فهذا لا ينبغي. هذا لا ينبغي. Il faut penser au mari كذلك. Il faut penser au mari. Et il y a des fawaïd pour cette autre femme que Cheikh Al-Azimin va citer. قَالَ أَنَّ النِّكَاحِ سَبَبٌ لِلصِّلَةِ وَلِرْطِبَاتِ بَيْنَ النَّاسِ وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَصِيمًا لِلنَّسَبِ فَقَالَ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا فَتَعَدُّدَ الزَّوْجَاتِ يَرْبِطُ بَيْنَ أُسَرٍ كَثِيرَةٍ. Ça crée des liens. Ça crée des liens. Maintenant, cet homme, il va se marier avec une autre femme, donc sa famille, elle va s'élargir, il va avoir plus d'enfants, il a akhir. قال ويصل بعضهم ببعض وهذا أحد الأسباب التي حملت النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بعدد من النساء. أما النبي صلى الله عليه وسلم il s'est marié avec plus de 4 femmes en même temps, dans un même moment, la même période. وهذا c'est من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم il n'était pas concerné par la limitation à 4 femmes. Ben, le Nabi صلى الله عليه وسلم il est mort et il avait 9 femmes alayhi salatu wassalam. Fan Nabi صلى الله عليه وسلم min khassa'isih, parmi les choses qui sont spécifiques au prophète صلى الله عليه وسلم, c'est le fait d'avoir plus de 4 femmes. Troisième point, annahu yatarattab alayhi sun 'adad kabir min an-nisa' wal qiyam bi hajatihin min an-nafaqah والمسكن وكثرة الأولاد والنسل وهذا أمر مطلوب للشارع. أي avec la polygamie beaucoup de femmes elles vont profiter. ومعلوم عند الجميع أن les femmes elles sont plus nombreuses que les hommes. Donc si chaque homme il se marie avec une femme, là chaque il y a des femmes elles pourront pas se marier. وكذلك il y a des femmes qui sont dans une hala de pauvreté, de dhaf ila akhirah, et peut-être que certains hommes ils les demanderont jamais en mariage, et en tant que première femme, lakin en tant que deuxième et troisième, na'am. Tout ça, ça montre anna hadhihi alfawaid, pour cette femme anna elle va vivre avec un homme, anna elle aura une maison ou un appartement, kadhalika elle aura des enfants. Wa hadha comme قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله, هذا امر مطلوب شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما تقدم معنا, تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم il a encouragé les hommes de se marier et d'avoir beaucoup d'enfants pour que la umma elle s'agrandit. هذا c'est مهم. هذا c'est مهم. أي كم من النساء elles ont atteint un certain âge, la trentaine, la quarantaine وأحيانا أكثر, et elles ne se sont pas mariées. Et mitla hadhihi al-mar'a rubbama être co-épouse, ça ne la dérangerait pas. Khassatan si elle a la din, elle veut l'iffa, elle veut le sitra ou al-hishma ila akhri, elle accepterait. Se priver de tout ça, ça fait du mal à la umma. Ça fait beaucoup de mal. Mukhalafat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça fait du mal. Lakin pour celui qui a la qudra bien sûr. قال ان رابعا ان من الرجال من يكون حاد الشهوه لا تكفيه الواحده وهو تقي نزيه لا يخاف الزنا ولكن يريد ان يقضي وطرا في التمتع الحلال فكان من رحمه الله تعالى بالخلق ان اباح لهم التعدد على وجه سليم. Quatrième cas, certains hommes ils ont une shahwa qawiyya, mais en leur femme elle est pas malade il a akhiré, lakin une femme ça lui suffit pas. Enfin مثل هؤلاء مع كما قال شيخ ابن عثيمين مع انه peut-être que cet homme c'est un taqi et il a pas peur pour zina, lakin il a le droit de profiter du halal. ففي هذا الحال في هذا الحال لا شك il y a une faïda azima et c'est permis. فلهذا قال ولكن يريد ان يقضي وطرا في التمتع والحلال. Ça c'est مما أحله الله سبحانه وتعالى. لماذا بخيبي لهم de quelque chose que Allah سبحانه وتعالى lui autorise. Allah il a autorisé à l'homme de boire, de manger, de se marier. فلا أحد, personne n'a le droit d'empêcher cet homme de faire هذا الشيء. لكن cet homme il doit être عاقل, ne pas écouter mitl hadi dourou, ces encouragements, ou l'insan, il n'a pas le coudra, il se précipite, robama, financièrement il n'est pas prêt, il n'a même pas logé la deuxième femme et il se précipite pour appliquer cette sunna, thumma, il finit parmi les injustes avec sa première ou la deuxième femme. Hada la l'insan yakun aqilan, et il se précipite pas. Kul wahed, il connaît son nefs, il connaît ses capacités. Et ala kulli hal, c'est une sunna baqiya, et celui qui l'applique alhamdulillah, et celui qui se suffit de wahida alhamdulillah. هذه المساله سوجي كذلك لا يحتاج الى كثره كلام بعض الاخوه ربما كلام الى اخره ça sert à rien de parler beaucoup. Celui qui a la qudra et il est capable, il se marie sans parler beaucoup. Celui qui n'a pas envie ou il n'a pas le qudra, alhamdulillah, s'il est marié avec une wahida saliha, il préserve son nefs, et on fait des efforts fil ilm et fil amal. Amma, perdre son temps avec hada et ne penser qu'à ça, ba'dhum rubbama, il pense beaucoup à cela et il veut travailler que pour cela, il a akhiré, et rubbama il est plongé fil dunya et il oublie l'ilm et il oublie certaines ibadat à cause de hada shay, pour être polygame il a akhiré. Fal insan yahdhar, insan yahdhar, l'essentiel c'est de préserver de la fitna. Et alhamdulillah, celui qui a les capacités, c'est un amr shar'i ay mashrou' matloub. أما celui qui vit dans un pays comme en France, يحاربون هذا, si ça lui cause des problèmes إلى آخره, الواجب pour le جميع c'est de faire l'hijra. في بلاد المسلمين, dans certains pays, ربما c'est pas facilité. لكن الحمد لله, dans un pays muslim tu pourras. لكن في بلاد الكفر أحيانا c'est compliqué. فالواجب, celui qui est marié avec une femme, يحمد الله, il essaie de faire l'hijra. La hijra c'est obligatoire et ça préserve ton din. Amma, rubbama se marier avec une deuxième et faire des enfants, et fibilal kufr, avoir des responsabilités, des contraintes, fibilal kufr akthar, rubbama c'est pas min al hikma. Enfin, celui qui peut faire la hijra, yuhajir, et après fibilal muslimin, s'il a les capacités, la capacité, la khirif, alhamdulillah. Anaktafi bihad al qadr, et on a fini, walillahi alhamd, le sixième chapitre sur la polygamie. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك